Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 mai 2017. Voici les grands titres de cette édition. La personnalité de Michel Kafando, nommé vendredi comme envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi, inspire confiance à la classe politique burundaise pour avoir bien conduit la transition au Burkina Faso. La présidence de la République a déjà signifié Antonio Guterres son non-objection. Dans ce journal, vous entendrez aussi la réaction d'une partie de l'opposition à travers la voix d'Otacien Siboman. La pénurie de mazout, qui s'ajoute à celle de l'essence, paralyse le transport. Focus sur les agences de voyage utilisant les véhicules de type coaster. Ce sera dans ce journal. Et puis, plus de 50 tonnes de café parche ont été déjà saisies dans les entrepôts des commerçants des provinces Ngozi et Kayanza. Notre correspondant nous en parlera. Et dans le reportage du jour, il sera question de certains rapatriés qui confient des camps de réfugiés situés en Tanzanie et en provenance de la province de Muyinga, qui affirment que leurs biens ont été sauvegardés. Voilà pour le sommaire de ce journal. Rebonjour, la police tranquillise la population, qu'il n'y a pas de groupes armés qui s'apprêtent à attaquer le pays. Pierre Ngourikiye, porte-parole de cet organe, dément ce qu'il appelle rumeurs. Des rumeurs qui seraient de nature à susciter la peur de la population. Quant aux patrouilles et fouilles perquisitions opérées conjointement par les éléments de la police et ceux de l'armée, Pierre Ngourikiye dit que c'est pour rassurer la population. On l'écoute. Ces derniers jours, il y a beaucoup de rumeurs qui sont amplifiées, surtout par le prochain sommet des chefs de la communauté est-africaine. On est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de rumeurs lorsqu'il y a des rendez-vous comme celui-là. Il ne s'agit que de simples rumeurs qui n'ont aucun fondement. La sécurité est garantie par les institutions habilitées, que ce soit ici à Bujumbura ou dans les collines surplombant la ville de Bujumbura ou sur tout le territoire de la République du Burundi. Déjà donc, sont invités à rester tranquilles et à vaquer normalement les activités. Il n'y a rien qui puisse perturber l'inquiétude. Les forces de sécurité sont là pour les protéger. Justement, lorsqu'il y a des rumeurs qui sont amplifiées, l'une des mesures des forces de sécurité, c'est justement de se montrer plus présente. C'est ce qui explique les derniers jours des patrouilles conjointes des forces de sécurité avec beaucoup de véhicules et des autres équipements de ces forces, des patrouilles qui sont observées ici à la mairie de Bujumbura. C'est juste pour rassurer la population, la tranquilliser, lui informer qu'il ne s'agit que des rumeurs et que leurs forces sont là et pour pouvoir parer à toute éventualité s'il venait de s'opposer le moindre problème sécuritaire. Votre présence aujourd'hui au quartier 5 de la zone Ngagara, elle est liée à ces rumeurs. Il s'agit d'une simple opération de routine de la police. Ce sont des fouilles et perquisitions qui sont chaque fois que de besoin opérées ici ou là. Donc juste dans l'objectif d'assurer la prévention de la criminalité. Le porte-parole de la police, Pierre Ngourikiye, au téléphone avec Charles Makoto. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé vendredi son envoyé spécial pour le Burundi et c'est Michel Kafando en remplacement de Jamal Ben Omar qui a été récusé par le gouvernement burundais. La présidence de la République a déjà envoyé une correspondance de non-objection à cette nomination. Selon le chargé de la communication à la présidence de la République, l'ambassadeur Willy Nyamitwe, il garde confiance en la personne de Kafando qui a dirigé la dernière transition au Burkina Faso. Suivez-le au téléphone de Léonce Vitario. Le président de la République a envoyé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies à travers laquelle il a annoncé, il y a dit, que le gouvernement du Burundi n'avait aucune objection à la nomination de son Excellence Michel Kafando comme envoyé spécial. Vous espérez que Kafando va faire mieux par rapport à son prédécesseur Jamal Ben Omar qui a été récusé par Bujumbura? C'est un homme expérimenté. Pour avoir occupé les fonctions de chef d'État, c'est un homme expérimenté par rapport aussi à son âge et à son expérience. Et nous espérons qu'il mettra au profit de l'Afrique et des Nations Unies sa sagesse et son expérience. Etassian Sibomana, un des opposants au pouvoir, se réjouit de la nomination ce vendredi dernier de Michel Kafando au poste de conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi. Il estime qu'il va aboutir à une nouvelle étape par rapport à son prédécesseur Jamal Ben Omar. Seulement, selon Etassian Sibomana, il faut que l'ONU aussi tienne compte des rapports qui lui sont fournis par ses envoyés spéciaux sur le Burundi. Sinon, il estime que l'ancien président de transition au Burkina sera à la hauteur de sa mission de par son profil. Il pense en l'occurrence à son comportement quand il dirigeait la transition dans son pays. Tout le peuple burkinabé, qui le connaît plus que nous, a placé confiance en lui. Et l'autre aspect, c'est que pour mériter cette confiance, il a travaillé conformément au calendrier qui lui avait été assigné, au cahier de charges qui lui avait été confié. Et c'est pour cela qu'il a dirigé la transition et en fin de compte, il a cédé le pouvoir sans tergiverser après avoir organisé de paisibles et transparentes élections qui ont permis la mise en place des institutions légales et légitimes au Burkina Faso. Espérez-vous qu'il va faire mieux que Jamal Ben Omar en réussissant à mettre autour d'une même table de négociation pouvoir et opposition au Burundi? Ben Omar n'a pas démérité. Le fait là, c'est qu'il a été désapprouvé par le gouvernement. Cela signifie qu'il y travaillait en ayant à l'esprit les vraies causes de la crise. Ça peut être cela qui lui a valu mépris du système en place. Mais au-delà, Kafando peut justifier d'une expérience plus avisée que celle de Ben Omar. Professionnellement, académiquement parlant, ce qu'il vient de faire au Burkina Faso, lui quand même confère une notoriété que peut-être Ben Omar n'a pas encore acquise. Cela étant, la plupart des gens peuvent se tromper en disant que ce soit Moukapa, que ce soit un envoyé spécial des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de certaines puissances dans notre pays ou dans la sous-région, ce sont ceux-là qui doivent réussir le pari. Ce n'est pas nécessairement vrai, parce que eux sont chargés de faire l'état des lieux et de donner rapport à ceux qui les ont mandatés. Il appartient donc à ceux qui ont mandaté ces émissaires, ces envoyés spéciaux, de faire suite aux rapports qui leur sont transmis. C'est un clin d'œil que je me permets de lancer à l'Organisation des Nations Unies, spécialement au secrétaire général, et plus particulièrement au Conseil de sécurité, de faire le respect de ces institutions. Ils ont déjà pris pas mal de résolutions sur la crise burundaise. Il leur incombe de faire respecter et de mettre en application ces résolutions. Etassian Sibomana, il est de l'opposition politique toujours avec le secrétaire exécutif du Forum national des femmes qui dit que la constitution peut être amendée. Si c'est la volonté du peuple, John Mfayo Kurira a indiqué que c'est un des points qu'elles ont développé lors de la rencontre entre le groupe des femmes et la délégation du médiateur Mkapa qui vient de séjourner à Bujumbura. Il ajoute que des séances de dialogue avec les femmes réfugiées seront organisées pour recueillir leurs préoccupations. Suivez Jeanne Mfayokurira. Comme la facilitation a souligné lors de la séance plénière, le changement de la constitution relève de la souveraineté d'un pays. Les femmes restent favorables à l'amendement de la constitution en général et particulièrement en vue de l'amélioration de la condition de la femme. Par exemple, prévoir au moins une femme sur trois sur les listes électorales pour faire concorder avec les 30% prévus. Parce qu'avec le texte actuel, qui stipule qu'il devrait y avoir au moins une femme sur quatre candidats, ceci ne représente que 25%. Le groupe femmes a, entre autres, recommandé à la facilitation d'impliquer les premières dames de la sous-région dans le processus de résolution pacifique du conflit burundais en organisant des rencontres du groupe femmes avec les femmes de la diaspora et des camps de réfugiés, un renforcement de la représentativité des femmes dans toutes les délégations, y compris celles des partis politiques, a été également suggéré. C'était Jeanne Mfayo Kurira, secrétaire exécutif du Forum national des femmes. Ce groupe de femmes est composé par les principales organisations féminines, à savoir le Forum national des femmes, la plateforme des femmes pour la paix et la sécurité. La Chine a toujours manifesté depuis des années la volonté de conquérir dans le monde entier des espaces nécessaires à son extension économique et commerciale. C'est l'interprétation collée par le sénateur Sylvestre Ntibantunganya à la visite de travail au Burundi du vice-président de la République chinoise à partir de ce mercredi. On l'écoute, il vient d'être rejoint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. depuis les années 1960, Sora est devenu plus particulièrement aigu. Et depuis que la Chine connaît un développement économique fulgurant, et là maintenant aujourd'hui au rang de deuxième puissance économique du monde après les États-Unis d'Amérique. Je comprendrais alors que partout où cela est nécessaire pour eux, ils essayent de cimenter, de renforcer les relations qu'ils ont avec les pays en vue justement de conforter cette stratégie dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs années. Parler des relations économiques, est-ce que la Chine ne serait pas intéressée par les minerais qui sont au Burundi? La Chine est devenue une grande puissance industrielle et très consommatrice de matières premières. Ça ne m'étonnerait pas donc qu'elle soit intéressée partout où elle peut trouver ses matières premières. Pas seulement pour le cas du Burundi, mais nous l'avons vu également pour d'autres pays en Afrique. Et là, qu'est-ce que le Burundi gagne? Et le Burundi gagne à ce que l'éventail de ses amis s'élargisse. Et nous le disons même en Kirundi, qu'une bonne famille est une famille qui s'éparpille. Je sous-entends par là qu'une famille ou un pays se défend, se développe quand il est en séparation et où les approfondit avec ses amis. Le président Sylvestre Ntibantunganya désillusionne ceux-là qui pensent que des visites consécutives des délégations chinoises au Burundi auraient pour mission d'instaurer un régime monopartite. Encore une fois, le président Ntibantunganya. Ce sont des cas sur lesquels il faut faire attention. Et les options de système politique entre le Burundi et la Chine sont des options différentes. Depuis 1992, le Burundi a opté pour un système de multipartisme. Mais il s'est révélé depuis d'ailleurs son indépendance et que le Burundi a toujours connu dans son paysage politique selon les circonstances un parti dominant. Le parti Iprona, par exemple, a dominé même sous le multipartisme le paysage politique burundais de l'indépendance jusqu'à 1965, bien qu'après 1966, il est devenu un parti unique jusqu'à 1993. Et en 1993, au niveau des élections qui avaient eu lieu, on a vu que le Frodebout avait raflé pratiquement pour la très large majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le parti CNDD-FDD. Mais je vous dirais que le paysage politique burundais est un paysage dynamique et qui peut changer selon les conjonctures et les conjectures. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui oserait aujourd'hui dire qu'il va instaurer un système de parti unique. On a vu même que quand un parti unique est excessivement dominant au Burundi, après, il court des risques de connaître des problèmes à l'intérieur de lui-même. On a vu l'Iprona entre 1962 et 1965, comment il s'est divisé. On connaît aussi les problèmes qui ont eu lieu au sein du Frodebout. Il est vrai que c'était pour des circonstances particulières dans le passé de ce pays. Mais aussi, on connaît les soubresauts qui existent à l'intérieur même du parti aujourd'hui au pouvoir. Donc, il ne faut pas analyser cette situation de manière simpliste. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le député de la coalition Amizero ya Barundi demande à la justice de libérer tous les prisonniers politiques, y compris leurs partisans. Le président du groupe parlementaire de cette coalition dit que cette catégorie de prisonniers est très élevée dans le pays. Honorable Pierre-Célestin Dikoumana précise que les citoyens ne devraient en aucun cas être emprisonnés pour leur opinion politique. Il l'a dit ce mardi lors d'une descente que le groupe a effectuée pour venir en aide aux femmes allaitantes de la prison centrale de Mimba. Suivez l'honorable Pierre-Célestin Dikoumana au micro d'Alain Désiré Boukayenèze. Les prisonniers politiques, les prisonniers dits politiques qui sont là à cause de leurs idées politiques, devraient normalement être libérés parce que l'opinion politique, la politique ou les actions politiques sont vraiment garanties par la loi, dont particulièrement la loi mère qui est la Constitution de la République du Burundi, mais aussi d'autres textes, conventions et traités que le Burundi a ratifiés. Donc il n'y a aucune raison de maintenir en détention les personnes à cause de leurs idées, à cause de leurs appartenances politiques. Nous ne pouvons que dénoncer ces irrégularités, d'emprisonner les innocents suite à leurs idées politiques, lancer un appel vibrant aux institutions judiciaires pour qu'ils se ressaisissent et libèrent ces personnes détenues illégalement. Les prisonniers politiques, ça se compte dans des centaines, je n'ai pas le chiffre exact, mais ce sont des multitudes, parce que du jour au jour, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui est arrêté, un autre qui est arrêté là-bas, un autre qui est disparu, et puis au finish, on retrouve que c'est vraiment un grand nombre. C'était l'honorable Pierre-Célestin Ndikumana de la coalition Amizero Yabarundi. Et l'emprisonnement à perpétuité, c'est la peine prononcée ce lundi par le tribunal de grande instance de Chivitoke à l'encontre d'Augustin Bourore pour avoir tué un commerçant du nom de Vincent Minani. Ce jugement a plu aux personnes qui étaient venues suivre le déroulement de ce procès. La victime a été tuée le 22 avril au chef-lieu de la commune Bouganda. Je vous l'avais dit, le transport en commun est perturbé, surtout aux agents de voyage utilisant des bus de type Coaster qui consomment du gazoil, communément appelé le mazout. Cette perturbation s'observe surtout aux agences Volcano et Memento, faisant du transport vers l'intérieur du pays, mais aussi sur certains arrêts bus des quartiers du nord de la capitale Bujumbura. Dans l'entretemps, de longues files d'attente et de véhicules s'observent encore sur certaines stations-service qui possèdent du carburant. Pascal Nioyangonze. L'une des conséquences de cette pénurie du gazoil est le non-respect de l'horaire de départ des bus vers l'intérieur du pays à ces agences de voyage Volcano et Memento basées à la gare du Nord. Ce passager qui doit se rendre à Muyinga est obligé d'attendre jusqu'à ce que son bus de l'agence Memento trouve du carburant. La situation est la même à l'agence de voyage Volcano où habituellement les bus prenaient départ après chaque heure ou bien même après une demi-heure vers différentes provinces de l'intérieur du pays. Là aussi, les tickets sont octroyés aux passagers après un coup de téléphone rassurant que le bus vient de s'approvisionner en carburant. Dans l'entretemps, des files indiennes s'observent sur certaines stations. Certains chauffeurs et propriétaires de véhicules trouvés à la station Kobil, située près de l'ancien siège de la PAF au boulevard de Liprona, indiquent qu'ils attendent plusieurs heures avant qu'ils soient servis. Celui-ci souhaite qu'une solution durable soit trouvée à ce problème. Le manque de carburant vraiment est très catastrophe parce que vous voyez, on est ici depuis 5h du matin. On est déjà à la ligne. Je ne croyais pas qu'on aura de carburant aujourd'hui. La seule solution, c'est qu'on prend une décision, oui, au gouvernement. Cette femme dit quant à elle qu'il est difficile de concilier le travail et la recherche du carburant. Le manque de carburant nous perturbe dans toutes nos activités de la journée. Par exemple, moi je suis ici depuis 6h30, alors je devais être au boulot à 7h30. Je croyais que je vais passer 30 minutes, tout au plus une heure. Et ici, ça fait 2h, 2h30. Ça me perturbe au travail. Oui. D'autres conséquences de cette pénurie du gazoil commencent à s'observer sur les arrêts bus des véhicules de type Coaster dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura, car certains d'entre eux sont garés sur des stations à la recherche de ce carburant. Pascal Nioyangonze, il est 13h16 à Bujumbura. Ce journal se poursuit avec une brève de Ngozi, l'actualité internationale. Et nous terminerons ce journal par le reportage du jour qui nous conduira à Muyinga. Plus de 50 tonnes de café parche ont été déjà saisies dans les entrepôts des commerçants des provinces Ngozi et Kayanza. Le gros de cette quantité saisie provient de la commune Busiga et est à l'origine de l'emprisonnement de l'administrateur de cette commune accusé de donner l'autorisation d'achat de café parche dans les ménages en contradiction avec la mesure prise par l'agence de régulation de la filière café Arfic. Allégation rejetée par l'accusé indiquant qu'on n'achète pas aux stations de lavage. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Est-ce que je peux la capter maintenant? C'est automatique. Ce jingle annonce l'actualité internationale. La procureure de la Cour pénale internationale devant le Conseil de sécurité de l'ONU dut être consternée par les cas de torture et de trafic humain en Libye. En Éthiopie, plus de 7 millions d'Éthiopiens sont menacés par la sécheresse. L'ELOPAM, le Programme alimentaire mondial, a décrété une situation d'urgence. Enfin, au Burkina Faso, la société civile espère que l'élection de Macron va inspirer la jeunesse africaine. Christella Nizigama. Au Burkina Faso, la société civile salue l'élection d'Emmanuel Macron pour l'enseignant-chercheur Abdul Karim Saïdou de l'université de Ouagadougou. L'élection d'Emmanuel Macron doit inspirer la jeunesse africaine au moment où les chefs d'État se succèdent sans que l'on ne voit de changement au niveau des politiques publiques. Sur la question de l'immigration, Evariste Consimbo du Cercle d'éveil dénonce déjà une politique de l'immigration choisie, prônée par le nouveau président français, car étant prêt à accepter les cerveaux, ce n'est pas bien pour les pays africains, car cela va contribuer contribuer à dépeupler l'Afrique des hommes de conception dont on a besoin. En Éthiopie, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l'impact de la sécheresse qui sévit actuellement dans son pays. L'organisation demande une intervention urgente de la communauté internationale pour sauver les millions d'Éthiopiens en proie de la pauvreté. Le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence a dépassé les 7,5 millions. Le site d'Africa Time écrit que la Chine a récemment fourni une aide alimentaire de plus de 8 millions de dollars à l'Éthiopie en attendant l'intervention d'autres pays. La Libye est devenue un marché de trafic d'êtres humains. Devant le Conseil de sécurité, Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, dit être consternée par les informations crédibles sur ce trafic. Des crimes, y compris des meurtres, viols et actes de torture, ainsi que des exécutions sommaires perpétrées par les forces gouvernementales sur des milliers de migrants, dont les femmes et les enfants retenus dans des centres de détention en Libye, a déclaré la procureure de la Cour pénale internationale. Selon le site de la BBC Afrique, Fatou Bensouda a indiqué que son institution était en train de collecter des éléments sur ces crimes présumés avec possibilité d'ouvrir une enquête sur ces atrocités qui pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale. À la source, reportage. Certains rapatriés de camps pour réfugiés situés en Tanzanie et originaires de la province Muyinga affirment que leurs biens ont été sauvegardés. De son côté, Aline Manirabarusha, gouverneur de cette province, précise que l'administration et les voisins de ces rapatriés aident dans la réinstallation. C'est un reportage de Mireille Kanyang. Il s'appelle Nitunga Jean, originaire de la colline Kinyami de la commune Giteranyi en province Muyinga. Il est rentré du camp de réfugiés d'Onduta en Tanzanie il y a 3 mois. Dans ce camp, la vie n'était pas facile, précise-t-il. Moi, j'étais dans le camp d'Onduta. Pour revenir ici, j'ai dû appeler ma famille pour qu'elle m'envoie de l'argent. Autre chose, ceux qui restent dans les camps manquent de moyens pour rentrer au pays. Ce qui m'a poussé de revenir, c'est parce que dans ce camp, il n'y avait pas vraiment de vie. Rentrer, ça a été mon choix. Muhizi w'Intore Jean-Marie, lui, était dans le camp de Mutenderi, toujours en Tanzanie. Il affirme que ses biens ont été sauvegardés. Tout ce que j'avais laissé au pays, j'ai tout retrouvé. On n'a rien touché. Ma mère gardait mes effets. L'affirmation vient également de cette femme qui est restée sur cette colline. Les autorités n'ont pas cessé de sensibiliser la population en leur disant de ne pas s'approprier des biens laissés par les exilés, sinon ils seront punis conformément à la loi. Personne n'a touché ni leur maison ni leur champ. Le gouverneur de la province Muyinga reconnaît que des ressortissants de sa province se sont exilés, toutefois d'autres sont rentrés et donne d'abord les détails du mouvement aller-retour. Il y a les gens qui sont partis pendant les manifestations. Il s'agit de 3920 personnes, mais de retour, on a déjà enregistré 2840 et qui sont passés dans les voies légales, c'est-à-dire sur les frontières. Il y a aussi ceux qui ont parti à cause de la famine qui s'est fait marquer ici à Muyinga. À partir de août 2016, on a enregistré une affaire de 3676 et il y a déjà 2930 qui sont déjà retournés ici à Muyinga. Aline Manirabarusha précise en outre que les biens de ces rapatriés ont été sauvegardés, l'administration ayant sensibilisé le voisinage de ces rapatriés. Quand quelqu'un est parti, l'entourage a l'obligation de garder les biens, que ce soit des maisons, que ce soit des champs, parce qu'il y a ceux qui ont parti laissant les champs. Alors l'entourage prend les choses en main. Alors quand quelqu'un retourne la famille, il leur doit donc les récoltes qu'ils ont laissées ici. Ils leur donnent de la récolte. Mais ceux qui n'ont pas aussi de récolte, nous essayons dans l'administration de collecter quelques nourritures pour les donner dans les premiers temps pour pouvoir s'installer. Ils interpellent ceux qui restent dans les camps pour réfugiés de rentrer au pays.